Donc à vous la suite. on attend donc qu'Antoine nous rejoigne. Il se trouve pas très loin, il est au bout du fil qui est vraiment tout près de ma main. Mais le câble est vraiment très long. Donc on va gentiment attendre son retour, on l'entend se déplacer. Me voici. Et le voilà. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors je rebaisse un peu le gain parce que j'avais monté le gain d'une façon outrancière pour qu'on entende ce qui se passait là-bas. C'est voilà, donc c'est super. Tu es de nouveau parmi nous. C'était très très beau, oui. Comme non rien. J'allais commencer tout de suite avec une blague un peu nulle pour changer. Bon, moi j'ai besoin d'une petite détente. Donc, est-ce qu'on se détendrait pas avec un home contemporain? Vite fait, bien fait. Hein? Oui, très bien. Ok. Donc, c'est le bonjour de la radiosine et puis c'est très contemporain. Ah. Teris, oui. Ah oui, pardon. Zwip. Le principe pour les auditeuristes, c'est-à-dire qu'on a seulement besoin d'un doigt et de lèvres. Et donc, on applique le doigt entre les deux lèvres et on fait des mouvements réguliers ou non de haut en bas. Ah, merci. J'adore faire ça avec vous. Pardon.